Le petit oiseleur. La mère. Vous voilà bien riant, mon amour, quelle joie! Comme un petit chasseur, traînez-vous quelque proie? Sous ce fragile osier, cachez-vous un trésor? L'enfant. C'est un oiseau du ciel, il a des plumes d'or, il reposait son vol au bord de la fontaine. J'ai retenu longtemps mes pas et mon haleine. Quand il a secoué son plumage plein d'eau, j'ai saisi ses ailes mouillées. Et le voilà, blotti dans les fleurs effeuillées. « Regardez qu'il est bien, ma mère, et qu'il est beau. » La mère. « Oui, je l'entends gémir. » L'enfant. « Non, mère, c'est qu'il chante. » La mère. « Vous croyez, mon amour, sa chanson est touchante. » L'enfant. « Je crois qu'il est content puisqu'il est dans les fleurs. Il les aime. Son nid est sous l'amandier rose. Cet arbre aux fruits de lait que la fontaine arrose. C'est là qu'il dérobait ses brillantes couleurs. » La mère. « Y demeurait-il seul ? » L'enfant. Ses enfants sont au gîte. C'était pour les revoir qu'ils se baignaient si vite. Mais je n'ai point de peur, ils ne sauraient bouger. Ils n'ont pas une plume et n'ont rien à manger. La mère. Que vont-ils devenir? L'enfant. J'agrandirai la cage. J'en ferai dans l'hiver un semblant de bocage. Et j'aurai 1000 oiseaux qui chanteront toujours. Que de musiciens pour amuser mes jours. Quel bonheur de nourrir tant de joyeux esclaves. À peine ils sentiront leurs légères entraves. « Oh, ma mère, j'y cours !» La mère. « Arrêtez, il fait nuit. Quelque chose de triste entoure se réduit. Restez, de noirs soldats, les farouches cohortes, au coucher du soleil, ont assailli nos portes. Ne vous éloignez pas, ne quittez plus mon sein. De vous saisir, peut-être, ils avaient le dessein. » L'enfant. « Des soldats ? Et beaucoup, ma mère, et pour me prendre ?» La mère. « Vous charme de ma vie, et pour ne plus vous rendre ?» L'enfant. « Que feront-ils de moi ?» La mère. Qui le sait? Un captif? Un orphelin, peut-être? Un prisonnier plaintif? L'enfant. Sauvez-moi! La mère. Priez Dieu, c'est lui que j'espère. Loin de nous, les cruels emmènent votre père. Ce père si content quand il vous embrassait. Ce gardien de vos jours et qui les nourrissait. L'enfant. Mon père prisonnier? La mère. C'est le roi qui l'ordonne. L'enfant. Qu'est-ce qu'un roi? La mère. Puissant par l'amour ou l'effroi, un maître s'il punit, presque un dieu s'il pardonne. L'enfant. Ah, laissez-moi sortir, je veux parler au roi. Mon père va mourir. La mère. Et quoi, si jeune encore, savez-vous si l'on meurt loin de ceux qu'on adore? Qu'arraché de son toit, votre appui va souffrir? Que sans la liberté, l'on n'a plus qu'à mourir? Savez-vous qu'en prison, la vie est bien amère? L'enfant. Oui, nous mourrons sans vous. Et vous mourrez, ma mère. Mais ce roi si méchant, qui l'a mis en courroux? La mère. Le roi n'est ni méchant ni cruel plus que vous, mon fils. Las de ses jeux, il vient troubler les nôtres. Libre, il a des captifs. N'avez-vous pas les vôtres? Dans une chambre étroite, il vous renfermera. Mais vous serez content, car il vous nourrira. Pourquoi de vos sanglots déchirez-vous mon âme? Est-ce à vous, cher coupable, à murmurer le blâme? Nous sommes des oiseaux dans ces cages plongées. Pourquoi de son plaisir serions-nous affligés? Si dans ces jeux de roi qu'on a fait légitimes, de lumière et d'air pur, il prive ses victimes. Où courez-vous? L'enfant. De l'air aux prisonniers. Qu'il respire, ma mère, et qu'il vole et qu'il vive. Oiseau des malheureux que n'es-tu le dernier, je ne veux point d'esclaves. La mère. Ô clémence naïve, embrassez-moi, mon fils, vous m'arrachez des pleurs. Soyez libre vous-même et calmez vos douleurs. Quoi, jusque dans mes bras, votre frayeur palpite? Ah, le cœur de l'oiseau palpitait-il moins vite? Quand votre instinct cruel empêcha son essor. Enfant, sans vos chagrins, quel eût été son sort? Vous ravissiez l'époux, à l'épouse éperdue. Elle eût traîné sa plainte, et Dieu l'eût entendue. Et les petits tout nus, glacés dans votre main, auraient péri de froid, de langueur et de faim. L'enfant. Ah, je n'y songeais pas. La mère. Maintenant tout respire, tout se calme et s'endort. L'enfant. Et mon père? La mère. Il soupire, comme l'oiseau du ciel un moment arrêté. Mais Dieu qui voit partout veille à sa liberté. L'enfant. Le roi le voudra-t-il? Nous rendra-t-il mon père? La mère. Oui, mon fils, oui, mon bien. Maintenant, je l'espère. Oui, s'il a des enfants comme les miens chéris. Des jeunes suppliants, il accueille les cris. Un père a dans le cœur je ne sais quoi de tendre. Toutes les voix d'enfants savent s'y faire entendre. L'enfant. Je veux le voir, venez, conduisez-moi vers lui. La mère. Oui, mon amour, demain. L'enfant. Pas demain, aujourd'hui. La mère. Quoi? Votre chère enfance à cette heure exposée? L'enfant. Je veux montrer au roi cette cage brisée, je lui dirai. Voyez, je fus méchant aussi. Je ne le suis plus, Dieu merci. Au captif innocent j'ai rendu la volée. Et sa famille consolée, à cette heure est au nid, plus heureuse que nous. Le même arbre en ses fleurs les couvre et les rassemble. Chaque famille ainsi doit s'endormir ensemble. Et nous venons chercher mon père à vos genoux. La mère. Écoutez, par l'appui de quelques voix divines, on dirait que le roi vous plaint et vous devine. Car voici votre père, il a tout entendu. Enfant, Dieu vous absout, puisqu'il nous est rendu.